Bon, faut qu'on trouve une idée sympa pour l'épisode 100, parce que mine de rien, là, on s'en rapproche. Ouais, je sais pas, un épisode en public par exemple, un truc du genre. Bah, ça me semble bien, mais le souci, c'est que ça va venir vite, donc faudra prévenir tout le staff et se mettre vite au boulot. Bah ok, bah allez, on s'y met. 2 heures plus tard. Ok, je viens d'avoir la réponse au téléphone, on a le Stade de France. Allez, ouais, salut Barbos. Non, mais me remercie pas, hein, c'est bien normal. Bon ok, j'étais au téléphone avec Barberousse, c'est ok pour Queen Novi, ils viennent pour faire la première partie. Ça va leur faire de la pub, ils en ont besoin. Ouais, moi j'ai un mail de Laurent Doucet, il voudrait tenir la buvette. Bah pas de problème, parce que Captain Web pouvait pas de toute façon. Je viens d'avoir Walter, il a réservé 2 rangées. Pour lui, pour Pidou et pour ses 50 pingouins. Alors, on va jamais avoir assez de place, c'est pas possible. Prévois un hélicoptère pour arriver sur scène, Pépé. Pépé. Pépé. Pépé. Pépé. Pépé, on enregistre épisode 2. Ah, oui, désolé, je réfléchissais à un truc. Je lance le générique, c'est parti. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bienvenue dans cadre d'émission. Salut à tous, vous écoutez Hors Cadre, épisode numéro 2, et je suis accompagné de Monsieur Randelflag, parce que Hors Cadre, c'est le podcast de Monsieur Randelflag. Mais non, c'est le podcast de Pierre-Antoine et de Randelflag. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Non, moi ça va toujours. Alors, il est 21h12, nous sommes en live. Non, je déconne, pas vite. D'ailleurs, live. En live différé, alors. Oui, c'est quoi ce mot-là, live? Bon, alors, comme on présente chacun son tour, c'est moi qui présente pour aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et donc, on va parler de quoi dans cet épisode, monsieur Randelflag? Eh bien, nous allons prendre des mesures, nous allons prendre des distances, nous allons prendre du poids. Oui, donc on va parler des unités de mesure. D'où la petite pastille sonore sans mesure, sans demi-mesure. Et l'extrait de retour vers le futur qui parle des 80 mètres à l'heure. Bon, c'est peut-être pas très explicite, mais on a fait un peu avec ce qu'on trouve pour cette chose. Voilà. Allez, on va dire que ça passe. Alors, quelques petites annonces de service avant de commencer. Parle-nous du site internet, tiens. Eh bien, c'est parti. Orcadepdc.fr, ça y est. Vous pouvez retrouver nos 2 premiers épisodes. Le site est tout prêt. Vous pouvez retrouver aussi des liens vers iTunes, car on est aussi sur iTunes. Nous avons notre flux RSS, la totale. Et vous avez même en bas du site un état de progression à peu près à jour, où on en est sur l'enregistrement du prochain podcast. Pas de très à jour. Ah si, il est assez à jour. À peu près à jour. Sinon, quelques petits remerciements avant de commencer. Tout d'abord, on va remercier l'Arnouf de Podcast France, qui nous a mis sur son site. Et on a eu droit à une rafale de tweets l'autre jour. Oui, c'est vrai. Vu. C'était très, très sympa. On le remercie. Ouais, bien cool. Sinon, on va remercier des Riders, Didier. Didier. Et alors, il nous a fait un petit coup de pub dans le dernier télécom, et on le remercie. Ouais, bien sûr. Et aussi ceux qui nous laissent des petits messages sympas et qui ont la force de nous écouter, comme Yerslo, Draven, Steph Core, Cobalt, Kaninette, Zafeu, Actarus, ouais. Le Prince, il y en a plein. La classe. Et donc, on les remercie. Et donc, ouais. Après cette intro interminable à l'échelle de cet épisode, on va peut-être passer au sommaire. Allez, c'est parti. Dans cette édition de Hors Cadre. 1654, un nouveau tube va faire les gorges chaudes et jettera aussi un froid. 1795, le monde se prosterne devant son nouveau maître. 1856, Big Ben sonne pour la première fois et il faudra des siècles de réglages pour ça. 1889, difficile de garder un poids stable pour le kilo, c'est sûrement l'effet yo-yo. Bon, eh bien, on va commencer avec ce premier sujet, c'est toi qui t'y colle. Allez, c'est parti. Et donc, je lance le jingle. Seigneur météo, ça nous dit qu'il fait bon. Seigneur météo, donc tu nous parles ah là là de là Carlos. Là. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec les jingles, Carlos. Bien, et je ne vais pas vous parler de Carlos, je vais vous parler de thermométrie. Parce que c'est bien de connaître, d'avoir froid ou d'avoir chaud, mais il faut savoir encore mesurer la température. En fait, le terme thermomètre, ouais, ça fait une répétition, a été inventé en 1624 par un certain Jean Le Rochon. Le principe qu'il décrit, c'est une espèce de... Le changement de température fait monter le niveau d'eau dans une canule. Et c'est expérimenté très rapidement par un certain Galilée. Et tout le monde, du coup, pense que l'invention vient de lui. Mais non. Et en 1654, c'est le duc de Florence, Ferdinand de Médicis, perfectionne l'instrument et va créer le premier vrai thermomètre avec de l'alcool dans un tube de verre hermétique. Il avait à l'époque 50 graduations, et en hiver, on descendait jusqu'à 7, et l'été, il remontait jusqu'à 40, donc 40 graduations. Mais il va falloir attendre 1724 pour qu'un certain physicien, qui s'appelle Daniel Gabriel Fahrenheit, établisse une vraie échelle officielle. Alors, officielle, ouais, mais enfin, il s'est un peu cassé la tête. Alors, je vais vous expliquer. Lui, sur cette échelle, le point de fusion de l'eau est à 32 degrés, et son ébullition est à 212, pour vous donner une idée. C'est pas la même échelle que le degré du tout. En fait, pour créer son échelle, il va commencer par dire que son échelle commence à la température la plus basse qu'il ait mesurée à Danzig, sa ville natale. C'était l'hiver de 1708 à 1709, qui était connu comme un hiver très très rude. Donc il décide que ça sera la température la plus basse de son échelle. Déjà, on a trouvé mieux comme point de repère, mais bon. Oui, ça m'a l'air un petit peu... Déjà, surtout si c'est à l'échelle de sa ville. Voilà, c'est ça. Alors, plus tard, histoire de justifier un peu cette température d'une manière plus scientifique, il va dire que c'est la température qu'il a atteint en laboratoire lors de la solidification d'un mélange de volume, d'un volume égal de chlorure d'ammonium et d'eau. T'imagines le type qui se casse la tête à trouver un mélange qui marche bien et qui gèle. Ok, tu parlais de presque la même chose tout à l'heure. Hein. Bah voilà. Et ensuite, pour la température la plus haute, bah, tout simplement, on n'a qu'à prendre la température du sang d'un cheval. C'est une blague. Et non, c'est pas une blague. Donc, pour faire ces deux points de température, pour séparer ces deux points, il décide de diviser cet intervalle en 12 unités. Hein, ça va prendre la base 12, c'est la plus simple. Hein. Et il trouve que c'est pas assez simple, donc chaque 12 degrés, il les sépare en 8. Ouais, ok. Donc, il fixe... un peu largué là, mais... Bah, il fixe un écart entre le haut et le bas de l'échelle qui fait 8 x 12, 76 degrés. Une fois qu'on est en base 10, voilà. Et il constate au passage que l'eau gèle à 32 et boue à 212, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il est logique, ce garçon. Donc voilà, l'échelle Fahrenheit, qui est donc la première trouvée. Ce garçon était torturé, je pense. Dans son esprit. Alors, il y a un certain Celsius qui, en 1742, moins d'une vingtaine d'années plus tard, moins de 20 ans plus tard, décide, c'est un astronome et physicien qui est suédois, qui présente son échelle, qui est un peu plus facile à comprendre déjà. Lui, comme point de départ, il va prendre le gel de l'eau, 0 degré, et la température d'ébullition, il va décider que c'est 100, le Celsius. Mais c'est un peu plus tard qu'on constate que l'eau ne l'est pas et n'entrait pas en ébullition, toujours au même point. Et oui. On a été obligé de corriger l'échelle en disant, voilà les températures au niveau de la mer. Ah, d'accord. Voilà, au moins le degré Celsius, c'est l'eau gèle à 0 au niveau de la mer et rentre en ébullition à 100 au niveau de la mer. Et on divise ça en degrés simplement. C'est quand même beaucoup plus simple. Quelques années plus tard, un certain Kelvin, à la fin du 19e siècle, donc quand même deux siècles plus tard, William Thomson, qu'on appelait Lord Kelvin, d'où le nom, constate que le zéro absolu, c'est l'absence d'agitation thermique totale et de pression d'un gaz, et il constate que ça, c'est que ça existe le zéro absolu, donc décide de créer une échelle qui commencera à ce zéro absolu. Et en fait, il va juste décaler le Celsius, c'est-à-dire que c'est la même échelle, mais décalée, où le zéro est à moins 273,15 par rapport au Celsius. Ah oui, d'accord. Donc sur cette échelle, si t'as bien suivi, l'eau gèle à 273,15 et boue à 373. Donc c'est l'échelle scientifique finalement la plus logique puisqu'on part du zéro absolu. Voilà pour les différentes températures. Tiens, j'ai quelques questions. On va voir si t'es bon au quiz. Quelle est, à ton avis, la température en degrés Celsius, on va faire, d'un éclair? Je sais pas du tout. 30 000 degrés. J'étais dans. Le centre du soleil, c'est 15 millions de degrés. Ok. Mmh. Voilà. À ton avis, quelle est à peu près la température la plus haute jamais mesurée sur Terre? Pas 52 degrés Celsius? Ah, plus que ça. T'es pas loin, mais 57 degrés. Je crois que c'était dans un désert... En désert de Libye, ouais. Et la température la plus basse, c'était en Antarctique, à ton avis? C'était pas moins 50? Encore pire. Moins 70. Moins 89. Oh, putain. Il faut une bonne doudoune, je pense. Et sache aussi que la température la plus basse qu'on ait jamais mesurée en laboratoire, parce que le zéro absolu, faut-il encore l'atteindre, c'est un demi-milliardième de degré Kelvin. C'est le MIT qui a mesuré ça. Oh, putain. Voilà. Je passe encore le Celsius, hein. Le Celsius est quand même un peu plus simple à comprendre. Bon, et toi, de quoi tu vas nous parler, alors? Eh ben, c'est mon tour, donc moi, je vais vous parler du mètre. Alors, musique de Cake, bien sûr. Tu ne perds pas une occasion de faire le Cake. Ah non, mais c'est très bien Cake, faut écouter. Ah, j'avoue. Going the Distance. Parce que moi, je vais vous parler du maître et la folle histoire du maître. Alors, j'ai over-condensé ça, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Donc, juste pour parler brièvement de ce qu'il y avait avant, on va dire depuis le début de l'ère chrétienne, donc l'influence romaine a instauré, sans vraiment le vouloir, une sorte d'uniformité avec le pied. Donc, le pied romain, ça faisait approximativement 29,6 cm. D'accord. Mais après, il y a eu le morcellement du territoire, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de seigneurs avec leurs petits bouts de terre, il y a eu plus de villes. Donc, ouais. Chaque ville et chaque région y allait dans un petit système de mesures. Donc, s'est retrouvé avec une multitude de noms et de valeurs différentes. Et donc, okay. Chaque groupe se forgeait en fait à mesure de système dont il avait besoin. Donc, ce qui fait que, par exemple, à l'échelle d'une ville, le système était assez cohérent et logique, mais dès qu'on commençait à agrémenter des systèmes d'autres villes, bah là, c'était le bordel. Donc, et il y avait plein de différences de mesures. Parce ouais. Qu'en fait, il s'expliquait qu'à l'époque, on utilisait son propre corps pour définir les unités de longueur. Donc, par exemple, le pied, la paume, la coude. D'accord. Et donc, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, chaque région en France avait son propre système de mesure. Marseille mesurait en palme, donc un palme c'est environ 12,4 cm. D'accord. La Bretagne c'est en perche, environ 3 mètres. Les Parisiens, les Bordelais, les autres, c'était plutôt le pied, mais c'était l'unité de longueur la plus répandue, mais le pied n'avait pas la même taille d'une ville à l'autre. Est-ce voilà. Que c'était pas par hasard indexé au pied du seigneur de la région ? Normalement c'est basé sur le pied du roi. Oui, voilà. Après, il y avait toujours des petits décalages. Et donc pour le commerce, c'était un bordel monstrueux. J'imagine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des unités de longueur identiques, donc deux unités de longueur identiques, deux longueurs identiques, avaient des noms différents. Et qu'à l'inverse, des noms identiques, par exemple, le deux pied, palmes, pouvaient avoir, le palme par exemple au nord de la France et au sud de la France, pouvaient avoir des longueurs différentes. Tu vois ouais. C'était le gros bordel. Et donc le problème n'est pas nouveau, parce qu'en fait, Charlemagne, en 789, a déjà proposé d'uniformiser le système de mesure. Mais ouais. Ça a tourné court parce qu'il est mort, voilà. Et il y a eu plein d'autres réformes qui ont été proposées par plusieurs rois différents, mais il n'y a aucun succès parce qu'on a dénombré presque 500 tentatives d'uniformisation du système de mesure, donc avec des ordonnances, des commissions, mais aucun succès. D'accord. Et donc, en 1789, la plupart des cahiers de doléances, tu vois ce que c'est, cahiers de doléances, c'était en gros là où le peuple pouvait porter des réclamations, ouais. Et le peuple demandait une uniformisation des poids et des mesures. Et donc l'Assemblée nationale a dit « Ah, bah, c'est un bon moyen d'unir le peuple autour de quelque chose de commun, donc on va mettre ça en place. Ouais. » Et comme à l'époque on était en plein siècle des Lumières, c'était tu vois, partage de connaissances, échange des idées, universalité des idées, donc voilà. Ils voulaient développer un système universel et éternel, donc avec avec pour devise « à tous les temps, à tous les peuples », donc quelque chose de vraiment universel. Donc il y a quelqu'un qui est arrivé, en la personne de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Joli. C'est la personne qui est en gros à l'origine de tout le système de poids et de mesures modernes. Et il a proposé de reprendre l'idée d'un philosophe qu'un philosophe avait eu une centaine d'années avant. Il avait calculé la longueur que la bille d'un pendule parcourait pendant une seconde. Donc tu vois, le balancement d'une pendule pendant une seconde, ouais. Il avait calculé ça faisait environ 993,7 mm. D'accord. C'était en gros proche de ce qu'on connaît, ce que le maître est maintenant. Ah ouais. Et donc en 1790, l'Assemblée nationale a adopté cette unité, ils ont envoyé des délégués un petit peu partout en Europe et dans les autres pays pour dire « bon, maintenant on arrête le bordel, voilà. C'est ça qu'on utilise, et puis voilà. » Et l'Angleterre et les États-Unis c'était plutôt favorable d'ailleurs en plus, alors que c'est plutôt eux maintenant qui posaient problème pour le système. Exactement. Mais ils ont changé d'avis, et il y a une légende qui raconte que si les États-Unis en fait n'ont pas adopté le système métrique, c'est parce que le bateau qui transportait le mètre étalon, c'est l'objet qui mesurait un mètre et qui servait de référence, et ben, la légende raconte que le bateau avait été attaqué et pillé par des pirates. Donc c'est pour ça que les États-Unis n'ont pas adopté le système métrique. Et donc, légende quand même. Ouais, ça reste une légende. Hein. Juste après, il y a une nouvelle commission qui s'est réunie, et donc ils ont décidé de changer de référentiel. Donc là, ils ont mis à la poubelle le pendule, et là, ils ont décidé de prendre un référentiel commun à tout le monde, la Terre. Et donc, ils ont préconisé de mesurer l'arc terrestre. Pour eux, ça semblait plus facile. Bon, pour moi, ça reste encore flou, mais... Ouais. Et donc, le mètre fut officiellement défini pour la première fois en 1790 par l'Académie des sciences. Et donc, le mètre est alors, je cite, la 10 millionième partie d'un quart de méridien terrestre. Voilà. D'accord. C'est le mètre. Ouais, et ça a une certaine logique. Oui, c'est... Pour eux, c'est logique, ouais. Et en 1795, le mètre était adopté officiellement. Et quelques années plus tard... On a placé dans Paris 16 mètres étalons pour familiariser la population avec le mètre. Et d'ailleurs, il reste deux mètres étalons de l'époque qui restent dans Paris Ah ouais? Donc, ouais, des pièces, des vestiges comme ça. Alors, donc, après, le mètre a été recommandé par tous les savants du monde entier, et le système métrique a peu à peu été adopté par d'autres pays. Et pour terminer rapidement, dans les années 60, les avancées scientifiques ont fait que la définition du mètre n'était plus vraiment adaptée, parce que maintenant, on était dans l'ère de l'infiniment petit, donc il y avait toujours des petits... C'était pas assez fiable pour mesurer ça. Ouais. Et donc, ils ont changé la définition, ils ont remplacé ça par... Alors, le mètre est donc alors égal à 1... Alors... Je vais pas me planter, 1 650 763,73 longueurs d'onde d'une émission d'une radiation orangée émise par le krypton. Oui, ça me rappelle un. Voilà. Ça me rappelle un Fahrenheit. Voilà, exactement. Mais ça devait être plus logique. Pour... Voilà, et en 1183, il y a la définition qui a encore changé. Et donc maintenant, il s'agit, le mètre, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une durée de 1 299 792 458e. Deux secondes, voilà. Et au moins ça, au moins c'est sûr que c'est fixe, la lumière dans le vide, voilà. Un truc, un référentiel un peu près net. Et donc voilà, donc pour le mètre à l'heure actuelle, c'est ça. Donc j'ai été très succinct, il y a plein de zones, j'ai fait plein de raccourcis, il y a sûrement des zones d'ombre, j'ai dû raconter des conneries, mais bon, condenser tout ça... En quelques minutes. un temps limité, voilà. Et donc je conseillerais, il y aura le lien sur le blog, à un podcast science qui avait fait deux épisodes là-dessus, sur... La ouais. Folle épopée du système de mesure, donc je vous suggère d'écouter ça, je pense que ce sera plus détaillé que ce que j'ai fait là. Voilà. Et donc ça va être à toi. Ok. Eh bien, moi, il est temps que je parle du temps. Ce podcast se passe entre 21h et 22h. Ouais, je suis Jack Bauer. Eh bien, c'est bien beau tout ça, et pour donner 24 heures à Jack Bauer, il faut encore qu'il puisse mesurer ce temps. Et alors, à ton avis, ça date de quand la mesure du temps? Zéro. Voilà, ça date de zéro, exactement. Comment veux-tu mesurer le temps avant de l'avoir mesuré? Eh bien, en fait, c'est depuis des milliers d'années que tout le monde a essayé de savoir le temps qui passe, arriver à contrôler, à pouvoir compter ça. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve des édifices religieux ou qui sont liés à la lumière du jour à telle heure qui éclaire quelque chose, parce qu'on essayait de maîtriser, d'avoir une impression de maîtrise. Mais c'est chez les Mayas finalement qu'on va retrouver les premiers calendriers qui ont refait les gorges chaudes fin 2012, si tu te souviens bien. C'était trop bien, j'adorais. Mais c'est finalement aux Sumériens, c'est en Irak, c'est-à-dire à Babylone, que l'on doit la mesure de l'heure, qui est basée sur leur système, qui est, parce qu'à l'époque, ils comptaient en sexagésimal. Pas facile à dire, sexagésimal. Non, je vois. T'en bases 60, en fait. D'accord. Et basé sur les subdivisions en 60 portions d'un cercle. C'est comme ça qu'ils le représentaient. D'accord. On commence à voir apparaître certains objets, tu vois. Ouais, ouais. Et les Égyptiens, puis les Grecs de l'Antiquité, vont reprendre ce système, alors que les Romains se contentaient à l'époque de diviser le temps en plages. La nuit contenait 4 veilles. Et la journée était divisée en deux parties, qui se passaient entre le moment où le soleil est à son zénith, avant et après. Donc il y avait le antéméridiem et le postméridiem. AM, PM, ça te rappelle aussi les trucs. Alors le but c'était quand même d'arriver à mesurer ça, parce que c'est bien beau de trouver des mesures, mais il faut arriver à le mesurer. Donc on a commencé par l'outil le plus simple, qui s'appelait le gnomon. C'est un bâton planté verticalement dans le sol, et en fait c'est un cadran solaire de base, quoi, en fait. Oui. On en retrouve partout, sur tous les continents. C'est-à-dire que c'est un truc que tout le monde avait d'entrée d'instinct. Oui, instinctivement, tout le monde a trouvé ça de base. Voilà. C'est au 3e siècle que les Grecs se mettent au point vraiment le cadran solaire. Ils prennent un quart de cercle, un quart de sphère, pardon, donc ça fait creusé dans un bloc de pierre, ils le quadrillent, et avec un bâton, ils arrivent à subdiviser l'année dessus en 12 parties. Et avec certaines marques pour les solstices et les équinoxes. Au début, ils arrivaient à compter comme ça, le temps qui passe. Au Moyen-Âge, on se sert aussi d'un cadran solaire coupé en 12 portions, un système aussi de quart de sphère, pour mesurer le temps de la journée, qui est coupé, lui, en 12 portions. Ça commence à se préciser. Ce qui est marrant, c'est que sur les chantiers à l'époque, on utilise ce principe de cadran solaire avec 4 traits, qui indiquent le moment de début de la journée de travail, la pause... La fin de travail, en fait, deux pauses au milieu et de la fin de travail. Ouais. En fait, c'est l'ancêtre de la pointeuse qui vient d'être créée. Eh oui, pas con. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ces cadrans solaires sont basés sur la durée de la journée. Et donc, en fait, les journées de travail en hiver était beaucoup plus n'était pas du tout de la même longueur que les ah bah oui, oui. Voilà, donc ça c'était un peu sans doute un problème pour les travailleurs, mais bon par la suite on réglera ça beaucoup mieux et on retrouvera sur les portes des maisons chacun aura son petit cadran solaire. D'ailleurs, c'est de là d'où vient l'expression voir midi à sa porte. Ah, je savais que tu allais placer un truc comme ça. Et ouais, parce que vu que les cadrans solaires étaient faits main, on va dire, ils n'étaient pas forcément exactement précis de la même manière, et midi n'était pas pareil sur toutes les portes. Voilà, l'expression vient de là. Ensuite, on a commencé à mesurer le temps qui passe avec des clepsydres. Est-ce que tu sais d'où vient ce que veut dire en grec clepsydre, en fait ? Voler quelque chose. Ouais, exactement, voleur d'eau. Tu as reconnu kleptomanie, c'est ça ? Ouais. Bah oui, forcément. Voilà, donc ça veut dire voleur d'eau. Ce ratage à ce qu'on connaît. Exactement. La plus ancienne qu'on a retrouvée, c'était à Karnak. C'était fabriqué pour Amenophis III, vers 1400 avant Jésus-Christ. Donc c'était un espèce de vase d'albâtre avec un fond qui était muni d'une ouverture pour laisser passer l'eau, forcément. Et le pourtour était gravé de hiéroglyphes qui représentaient des divinités, puisqu'on associait évidemment le temps qui passe à chaque divinité. Un bel objet. Ouais, un bel objet. D'ailleurs, les Arabes continueront à confectionner et à perfectionner les clepsydres jusque dans les années 900, avec des flotteurs qui entraînaient des aiguilles sur un cadran. Ils continueront à en faire en faisant des œuvres d'art qu'ils offriront aux plus riches monarques. Voilà. Après, apparaît enfin, vers le 14e siècle du moins, apparaissent les sabliers. Et on les appelait les monticules d'instant perdu. Oh, c'est beau, c'est ça. Beau, hein. C'est poétique. Ou alors les clepsydres d'hiver aussi. Parce qu'en fait, le principe vient de la clepsydre. L'idée est d'avoir, au lieu d'avoir un liquide qui gèle dedans, on met du sable. Oui, voilà. Il n'y a pas de gel, il n'y a pas d'évaporation. Plus tard, on va utiliser des bougies. D'ailleurs, on va utiliser des bougies graduées, sur lesquelles plus la bougie diminue, plus on sait le temps qui passe. Et des lampes à huile, sur le même principe, plus l'huile diminue, plus on voit le temps qui passe. Les bougies sont encore utilisées dans ce qu'on appelle les ventes aux enchères dites à la bougie. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est une fois que la bougie est finie, ça veut dire... Alors en fait, tu prends une bougie, tu l'allumes. Elle se consume. Si personne ne fait d'enchères, on allume la première bougie, on la laisse se consumer. Quand elle est finie, on en met une deuxième. Si personne n'a fait d'enchères, le temps que les deux mèches se consument, le dernier remporte l'enchère. Ah, voilà. Parce que moi, je pensais plutôt au théâtre au XVIIIe siècle, parce qu'en fait, c'est la bougie en gros qui a inventé l'entracte, parce que on mettait des bougies neuves au début de le premier acte. Ouais. Une fois que les bougies étaient finies, on demandait la pause pour avoir le temps de changer les bougies en fait. Et c'est là que est venu le système de l'entracte. Ouais. Ah, pas mal. Évidemment, ensuite vont venir les premières horloges, qui étaient dans les églises, qui étaient des sortes de réveils qu'on appelait des horlogia noctura. Destinées aux frères sonneurs de cloches, elles apparaissent au XIIIe siècle. Elles n'ont pas forcément de cadran et d'aiguille, et ne possèdent par contre qu'une aiguille, et qui représente celle des heures. C'est juste une aiguille qui tourne, mais il n'y a pas forcément de cadran gradué. Un principe tout bête, un poids accroché à une corde roulée sur un axe horizontal entraîne l'aiguille dans un mouvement de rotation, et petit à petit, le poids descend à cause de son propre poids. Bon, évidemment, après, on va perfectionner tout ça et créer les montres. Voilà. Voilà comment mesurer le temps qui passe. Très bien, et après le temps, on va passer au poids. Au poids. Jingle. Et donc, Weird Al Yankovic qui chante I'm fat pour le poids. Donc, encore une fois, on a trouvé ce qu'on a pu. Hein. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple, ouais. Non, c'est un vrai travail de recherche. Et donc moi, je vais parler du kilogramme. Alors, petite mise en contexte, ferme les yeux et imagine. Nous sommes à Sèvres, pas loin de Paris, plus exactement au pavillon de Breteuil. Mmh. Alors là, on rentre dans le pavillon, nous descendons vers une cave bardée de capteurs en tout genre qui analysent la température, la composition de l'air. L'objectif étant de garder une température constante dans la cave. Dans cette cave, une petite table... Un petit objet, enfermé par trois cloches de verre successives. Ces trois cloches de verre sont scellées par trois serrures différentes, dont les clés sont possédées par trois personnes distinctes. Donc pour l'instant, on se croirait dans un film avec un grand secret crucial pour l'humanité. C'est ça. Et bien en fait, dans ces cloches de verre, on y trouve un petit cylindre en platine et en iridium. C'est le fameux kilogramme étalon. Ah là là. Voilà, c'est la fin de la... Bonne soirée. Du sujet. Voilà. En fait, le pavillon de Breteuil, c'est un endroit qui accueille le Bureau international des poids et mesures. C'est l'une des trois organisations internationales qui est chargée, c'est une organisation chargée de maintenir le système international d'unité. D'accord. Et donc, on commence en 1795, chapitre 1. Donc, on va définir le gramme d'abord. Et comme plusieurs unités, on la doit, donc, comme on doit le gramme, comme je l'expliquais avant, à la Révolution française, la volonté de standardisation. Ouais. Donc à l'origine, on définit le gramme comme la masse d'un centimètre cube d'eau à la température de la glace fondante. De la glace fondante, amusant. Donc même si on se base sur l'eau pour la définition du gramme, l'idée de faire un gramme étalon sous forme liquide, ça a vite été avorté parce que c'était pas le plus pratique. Oui, c'est clair. L'eau, voilà. Et de plus, définir le gramme, c'est bien, mais comme ça avait vocation de simplifier le commerce, on a vu que le gramme, c'était peut-être pas facile à utiliser, surtout parce que le commerce, ça implique des objets relativement beaucoup plus lourds que le gramme, c'est les kilos, les kilogrammes. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le kilogramme, c'était plus simple. C'était un étalon provisoire à la base, mais finalement, ça a été institué comme la mesure, le kilogramme. Voilà. Et donc, il faut que 4 ans avant que la définition change, les chimistes découvrent alors que l'eau a une densité plus stable à 4 degrés Celsius plutôt qu'à 0. Donc on choisit de se baser sur l'eau à 4 degrés Celsius. Donc la définition change encore. La définition change, donc, mais le poids, il reste le même. Voilà, d'accord. C'est plus stable, l'eau est plus stable et ce sera plus précis à utiliser. Et donc on construit donc un nouvel étalon, et aussi précis que possible, et on lui donne le nom de kilogramme des archives. Et donc c'est ce qui devient le kilogramme. Voilà. D'accord. Et donc il faut attendre 90 ans, donc 1889, pour que le standard change à nouveau. On va reconstruire un objet dans un alliage de platine et d'iridium pour améliorer la stabilité. Le fameux dont tu viens de parler au début. Oui, voilà. Donc dans un alliage de platine et d'iridium pour améliorer la stabilité chimique et physique du cylindre. Mmh. Et donc cet étalon-là est nommé le grand K. Le grand K, c'est très pompeux. Ah, mais... ça fait classe. Et donc il fait exactement le même poids que le kilogramme des archives, mais c'est celui qui va être utilisé. Voilà. Et donc le kilogramme étalon est stocké à Paris avec 6 autres qui servent de comparaison. Ouais. Et les autres sont distribués à plusieurs nations pour servir de référence. Et ces étalons sont comparés une fois tous les 50 ans avec le grand K, pour voir si ça a changé. Ça me fait bien rire, le grand ah, K. Ça fait... C'est très titre de noblesse, en fait. Ouais, t'imagines presque une secte. Ouais, voilà. Et donc... Le grand K a vu sa masse varier par rapport à celle des 6 copies officielles. En un peu plus d'un siècle, on compte un écart d'environ 50 microgrammes, ce qui est, à l'échelle d'un kilo, c'est énorme quand on veut quelque chose de fiable. Hein. Voilà. Entre, donc, différence de 50 microgrammes entre le grand K et les copies fabriquées. Et donc, le souci, c'est que ça manquait de fiabilité. Et donc, les scientifiques proposent maintenant de redéfinir le kilogramme avec des nouvelles méthodes. Donc, il y a 2 systèmes qui permettent de redéfinir le kilogramme. Donc la première, c'est la méthode d'Avogadro, et il s'agit de compter le nombre d'atomes qu'il y a dans une sphère de silicium de 1 kg. Et oui. De 1 kg. Voilà. Voilà, je pense que c'est une très bonne raison de faire ça. Ouais. Et donc la deuxième méthode, c'est la balance du watt. Et donc on utilise un instrument très complexe, et je ne vais pas vous expliquer la méthode, parce que je vais dire des bêtises, et je n'aurai pas le temps d'expliquer la méthode dans le temps imparti. Quoi. Alors, et donc, pour obtenir une bonne définition du kilogramme, d'ici 2014, parce qu'il y aura une nouvelle conférence qui va se passer en 2014, ouais. Ils ont décidé, en fait, les meilleurs résultats des 2 méthodes différentes devront s'accorder, et si ça s'accorde, ben, on va redéfinir du coup le kilogramme. Et le souci, c'est qu'entre ces 2 méthodes, il y a quelques petits problèmes, des petits désaccords, parce qu'il y a 170 microgrammes de différence sur la valeur du kilogramme. Ouais. Et donc, ils ont décidé que tant que le souci ne sera pas résolu, la définition ne changera pas. Ouais. Alors, donc, quelques petits trucs annexes. Le kilogramme, c'est la seule unité internationale qui inclut un préfixe multiplicateur. Tout le reste, c'est mètre, oui, c'est vrai. Seconde, enfin, voilà. Et là, c'est on part du kilo. Ouais. On part du kilo, ouais. Et pour anecdote aussi, dernière petite chose, avant la Révolution française, le kilogramme s'appelait le grave. C'était lié au mot gravité, qui était, somme toute, logique. Assez logique, oui. Mais le terme a vite été changé parce que c'était jugé politiquement incorrect. On se demande pourquoi. Car en fait... Phonétiquement, c'est proche du mot « graf », et c'est un mot allemand. Ça définit un titre aristocratique allemand. Et donc, à l'époque de la Révolution française, comme la noblesse, c'était pas ce qui était très bien pas vu. Très populaire, donc, ouais. Ils ont décidé de changer ce mot-là pour se débarrasser de cette connotation un petit peu aristocratique. Ah, voilà. Très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour des kilos, des mètres et des poids et des temps. Et il y a encore des trucs à dire, c'est ça le pire. Ouais. Allez, on passe à la conclusion. Alors, c'est la fin de l'épisode. Alors, je pense qu'on a appris... Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas. Ah oui, pareil. Ah, mais bon, je pense que, personnellement, j'ai dû peut-être dire 2-3 bêtises, mais bon. Oh. Alors, vous pouvez nous retrouver sur www.orcadrepdc.fr. Ah oui, bien. Sur le Twitter, @orcadrepdc. Sur Google+. Ouais, sur Google+. Sur Google+, vous recherchez Orcadre. S'il y a pas de... Vous retrouvez les liens sur la page de orcadrepdc.fr aussi. Pas de Facebook, parce qu'on n'aime pas trop ça, Facebook. Non. On peut nous retrouver aussi sur iTunes. iTunes, ouais, maintenant. On donne de Twitter. Ouais, vas-y, donne ton Twitter. Eh bien, moi, c'est Randall Flag avec un underscore à la fin. Très important. Voilà. Et moi, c'est @péremptoire, comme ça se prononce. Sinon, est-ce qu'on annonce le prochain épisode? Non, on va le garder pour l'instant. Ouais, pour l'instant, gardons la surprise. Déjà, c'est une surprise pour nous. Oui, c'est une surprise pour nous, on ne sait même pas ce qu'on va faire, c'est dingue. Je vais lancer la musique de fin. Alors, je suis assez fier parce que ça colle, pour une fois, ça colle bien au thème de l'émission. Oui, ce qui n'est pas facile à trouver. Oui, parce que la chanson, c'est une chanson de The Hives qui s'intitule Introduce the Metric System. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. The Metric System in Time. En plus. Oh là là. Allez, salut, à la prochaine. À ciao. C'est à toi. Attends. Non, t'as oublié de dire dans cette édition de Hors-Cadre. Mais non, c'est toi qui le dis, parce que tu commences. Non, je sais pas comme ça la dernière fois, mais c'est pas grave. On part, vas-y. Tu le dis, là. Si tu veux. Voilà. Dans cette édition de Hors-Cadre, 1600. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On est des brèves? Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Attends, je vais le dire dans cette émission de Hors-Cadre. Oui, parce que normalement, c'est comme ça. Ok, bon, je vais le faire. Dans cette émission de Hors-Cadre. Émission, dans cette édition. Ah merde.